Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Bienvenue dans une réalité alternative et politique où l'histoire de la paléoanthropologie et les longs processus d'hominisation ont été annulés et relégués au rang de fable ou de fiction, car l'homme lui-même a perdu la bataille pour la domination du monde et des choses. Nous sommes dans une nouvelle de Philip K. Dick, publiée en 1954 et intitulée James P. Crow. Dans celle-ci, et c'est une mauvaise nouvelle, les robots, qui répondent au nom charmant de, par exemple, Z236FR ou encore L87, gouvernent le monde comme des seigneurs et maîtres. Ils règnent aussi, presque comme un dommage collatéral, sur la petite communauté des hommes. Ces robots devenus maîtres tout-puissants trouvent que les humains puent, ils les exploitent comme des serviteurs et les relèguent dans des quartiers spécifiques. Ils ont même décidé de modifier les programmes scolaires, notamment ceux d'histoire. Voici donc l'histoire officielle telle que les robots et leurs dogmes l'enseignent. Les robots dirigeaient la Terre. Il en avait toujours été ainsi. C'était sur toutes les bobines d'histoire. Les humains avaient été inventés durant la guerre totale du 11e millibar. Tous les types d'armes avaient été essayés et utilisés, et les humains faisaient partie du nombre. La guerre avait totalement détruit la société. Pendant des dizaines d'années, l'anarchie et la ruine avaient régné sans partage. La société ne s'était reformée que peu à peu, sous la tutelle patiente des robots. Les humains avaient contribué à la reconstruction. Quant à savoir pourquoi, au juste, on les avait fabriqués, à quoi on les employait et quel avait été leur rôle dans la guerre, tout cela avait péri sous les bombes à hydrogène. Les historiens avaient dû combler les vides à l'aide de conjectures, ce qu'ils avaient fait. Voici donc le révisionnisme historique des robots. Les bobines d'histoire qui ont remplacé les livres ne racontent pas les longues transformations qui mènent du singe à l'homme, l'accession progressive à la bipédie ou encore les batailles entre les espèces Homo sapiens et Néandertal. Non, le catéchisme fabriqué par les robots se contente de répéter que des machines ont créé les humains et non l'inverse. Sans plus de détails, si ce n'est qu'au départ, les hommes ont été utilisés comme des armes. Tel est le récit que développe la nouvelle James P. Crow qui raconte entre autres ce créationnisme robotique infernale. Dans ce monde fictif, les robots toisent les humains. Ils les jugent certes bons gastronomes et mélomanes, mais ils n'en ont cure, car ces derniers ne mangent pas et n'ont aucun goût ni aucune émotion musicale ou esthétique. Les humains pêchent par leur absence de compétences dans les arts sérieux où excellent les robots, ceux difficiles de l'architecture, de l'organisation de la société et du bon gouvernement. Mais un beau jour, un certain James P. Crow parvient à surpasser les robots à un redoutable test d'aptitude qu'on appelle la liste. Il arrive à ne faire aucune faute à un questionnaire. Il renverse alors l'ordre robotique en révélant une très dérangeante vérité historique. Ce sont les hommes qui auraient créé les machines et non l'inverse. Il fait donc exiler les robots sur une colonie de Vénus ou quelque chose de ce genre. Mais cette révolution et nouvelle prise de pouvoir sur le monde par un homme est-elle une bonne nouvelle ? C'est justement la question que nous adresse Philip K. Dick.